Chapitre 7e. Demain, oh, demain, il courut comme une folle vers la falaise. On ne la revit plus dans le village. Elle avait disparu du pays. Satan l'avait emportée.